dans cette édition spéciale bien équipée de La Connexion. Les gadgets les plus originaux de notre section GoGo Gadgets. Les meilleures critiques Nintendo Wii d'Alex Thibodeau. Vos chroniques habituelles préférées comme les jeux les plus loués. Et la suite de l'hommage à Super Mario RPG, Heavy Troopers Ready to Launch. Tout ça et plus tout de suite, c'est l'heure du jeu. Bonjour et bienvenue à la collection spéciale gadgets et critiques de jeux. Je m'appelle Mathieu Plante. Pendant deux heures, on va suivre les meilleurs moments de cette session de la connexion. Dans quelques minutes, on va entendre une de ses chroniques gadgets et une de ses critiques de jeux. Mais avant, on continue notre série en concert qui s'appelle Heavy Troopa is Ready to Launch. C'est le deuxième CD. Et à l'instant même, voici la première pièce de ce CD que vous allez certainement adorer. Voici Dumb One avec We Tried à la connexion. À C'est Fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Commençons avec des gadgets, je pense que c'est la meilleure idée. On commence avec un gadget vu sur cubic.com et l'article dit « Si vous avez une dent contre le chien, la loutre, le chat ou le lapin de votre conjoint ou conjointe, ce câble USB dont le bout semble avoir été arraché permettra peut-être de le vouer aux gémonies en toute quiétude. Tout en stockant paisiblement vos données, puisqu'il s'agit en réalité d'une clé USB dont la capacité pourrait vraisemblablement monter jusqu'à 4 gigs, l'embout USB relié à votre ordinateur contient en réalité une puce mémoire flash, le cordon n'ayant qu'une vocation décorative. En attendant qu'un tel objet soit un jour proposé dans le commerce, vous trouverez via ce lien sur le unechance.com le mode d'emploi détaillé et en images permettant de réaliser vous-même ce montage. Il vous faudra juste mettre la main sur un câble et sur une clé USB de taille réduite que vous mettrez à nu de façon à pouvoir la glisser dans l'embout adéquat. Gadget que je trouve vraiment cool. C'est vraiment hot. C'est vraiment comme un fil USB mais grugé. C'est génial. On dirait que quelqu'un a volé votre disque dur externe. Je sais pas trop quoi. Ça peut aider pour faire pitié auprès des dames aussi, j'imagine. Ensuite, le magasin en ligne Geek Stuff For You vend une version USB du classique des expos là, partout au Québec, là, le Whack-a-Mole. Pour environ 42$, vous pouvez acheter ce petit jeu de table où vous tapez des fantômes en appuyant dessus comme si vous étiez dans Pac-Man. Et puis, en plus, non seulement ça, mais vous appuyez avec vos doigts sur les bêtes jusqu'à ce qu'elles allument. Génial. Donc, même, ça garde votre score et ça a des effets sonores pour quand vous tapez. Dommage que les fantômes n'apparaissent pas, ils ne disparaissent pas. C'est seulement quand ils allument au lieu de le ramasser dans la boîte comme un vrai whack-a-mole. En fait, bon, donc c'est sur le site Geek Stuff for You, mais vous pouvez trouver le lien sur lunchance.com. Une autre façon de garder votre café chaud, c'est au lieu d'une plaque, vous savez, vous connaissez certainement les plaques qu'on branche en USB sur un ordinateur pour garder votre café chaud. Dans ce cas-ci, c'est un genre de bout de fer ou de métal qui est chauffé par votre port USB que vous trempez dans votre café. C'est pour le garder bien chaud, c'est génial. Génial, génial. C'est via Engadget. Ensuite, des bouchons pour oreilles réutilisables faits d'une grandeur d'une carte de crédit à mettre dans votre portefeuille. Réutilisable, génial, super cool, plug and play. Voilà, donc allez voir sur lunchance.com pour le lien. Ensuite, un cadran. Vous savez comment j'aime les cadrans. Vous savez qu'il y en a un nouveau, j'en parle. Celui-là, c'est un cadran qui va vous donner des muscles parce qu'il s'appelle le Shape Up Alarm Clock. Simplement, vous, la seule façon d'éteindre ce cadran-là lorsque l'alarme part, c'est de faire 30 levées du poids. Génial. Je sais pas combien ça coûte, mais bon, c'est sur le site Worldwide Fred. Ensuite, un taxi cab meter pour votre voiture à vous. Si vous êtes tanné de conduire vos enfants sans les faire payer, peut-être que ça pourrait être utile pour vous, mais non, en tout cas. Comme bonne blague, c'est drôle. Family cab, mom's cab, il y a des petits collants qui viennent que vous pouvez mettre sur votre voiture avec le petit, comment t'appelles ça, le truc au maître, taximètre. Donc, ça coûte environ 20 $ américains. C'est cool, beau petit gadget, amusant. Le pocket slot-o-meter, qui est en fait pour les... On pourrait dire un putomètre. C'est pour les filles qui ont fait le tour du quartier. Vous pouvez leur offrir ça en cadeau, en blague. C'est simplement une façon de garder le... De tenir le score de comment de gars ou de filles, peut-être, cette fille a fréquenté, disons, proprement parlant. Donc, allez voir ça. Il y a des beaux petits boutons. Il y a même un bouton reset. La seule défectuosité de ce produit. Donc, si vous êtes une nouvelle vierge. Donc, 14 $ slot ou meter. Ensuite, rapidement, un porte-clés en forme de Lego, mais en genre de métal ou d'aluminium, quelque chose. En aluminium, oui. 2x4, la brique 2x4 de Lego, ça coûte 12 $. J'en veux absolument un. Je trouve ça tellement génial. Un porte-clés en forme de brique Lego. Ensuite, une grosse horloge numérique pour votre mur de salon si vous avez de la difficulté à dire l'heure avec des aiguilles. C'est le Huge Digital Wall Clock, disponible en vert, bleu, rouge ou blanc pour environ 100 $ américains sur gadget.co.uk. Ensuite, un scrolling LED à brancher en USB. Vous savez ce que c'est un scrolling LED? C'est quand il y a un message qui passe en lumière sur un tableau. Vous pouvez faire la même affaire avec votre portable. Donc, 8 messages qui peuvent être intégrés dans la machine. 8 vitesses, 3 modes de luminosité, 5 modes de scroll. Gauche, droite, haut, bas, freeze et flash. Effet sonore. Entrée texte, image bitmap compatible avec Windows Vista XP 2000, dimension 85x8.3x55mm, ça pèse seulement 60 grammes, génial, 27 $ sur USB Geek, j'en veux tellement un. Mini aspirateur en forme de Mario, de champignon de Mario, oui. Donc pour nettoyer votre bureau avec grand style, en redonnant vie à votre bureau, vie, comme dans champignon de vie. Pour enlever les poils, les déchets que vous avez peut-être sur votre bureau, sans aller trop dans les détails. C'est très facile, même pour enlever les déchets dans votre voiture aussi, ça fonctionne. Donc deux piles 2A et tout ça coûte simplement 12 $ chez Gadget Brando. J'en veux un aussi, j'ai une grosse liste d'épicerie pour les gadgets. Il y a un concept de téléphone qui va vous permettre de téléphoner comme dans les... vous vous rappelez, vous connaissez le signal international de « Appelle-moi » avec ton pouce et ton petit doigt. Il y a un concept de vrai téléphone qui fonctionnerait comme ça. Pour avoir l'air d'un imbécile, c'est vraiment gagné. Donc, allez voir l'article si vous voulez plus d'informations. Un hub USB en forme de cassette vidéo. En fait, c'est une cassette vidéo dans laquelle on a intégré un hub USB. Donc, à la place d'avoir une prise USB, vous branchez ça dans votre ordinateur et ça vous en donne 4. Génial. Vous avez les instructions comment faire votre propre hub USB en cassette sur le site unechance.com. C'est via Instructables. Instructables. Rapidement, une cuillère qui vous permet de faire plus rapidement un slingshot. Ça coûte 10 $. C'est une cuillère slingshot. C'est vraiment ça. Vous prenez la cuillère par son anneau du bas. Vous tordez le ressort, penchez le ressort. Ressort. Et vous pouvez lancer facilement des brocolis ou n'importe quoi comme ça. 10 $, merveilleuse idée. Parfait pour les enfants. Vous pouvez se pitcher les affaires à la table. Jouez avec votre nourriture, les enfants, c'est très bon pour vous, en tant que vous les mangiez après.

Allez voir le www.unechance.com. Mais avant de continuer avec la critique de Wii Sports et une autre chronique gadget du bon vieux passé de la connexion, voici le top des mots-clés les plus recherchés sur la toile du Québec cette semaine. En cinquième, ça monte avec Hotmail. En quatrième, ça monte aussi, c'est Canada MapQuest. En troisième, c'est Stable avec Accéder. En deuxième, ça descend, c'est les PAC. Et en première, ça monte, c'est Météo Média. On continue la série Heavy Trooper is Ready to Launch. C'est l'hommage à Super Mario RPG. La prochaine pièce est de l'artiste N.U. Tak. Voici Long, Long Ago. Dans la connexion par technologie informatique et jeux vidéo spécial gadgets et critiques de jeux au 89.fm. C'est fou, ça! Instant, voici le bloc Go Go Gadget. Retournons à nos moutons. Un gadget vraiment intéressant pour crier sans que personne vous entende. Si vous êtes frustré, vous êtes au travail, vous avez quelque chose contre votre patron. Crier dans cette espèce de vase bizarre brun, on dirait de la poterie ou je sais pas trop quoi. Donc, c'est fait de résine ABS, ça pèse 210 grammes, c'est un vase de plastique. Bon, les instructions sont en japonais, mais bon, c'est assez évident que tu mets ton vase sur ta bouche et que tu cries. Ça étouffe le son pour que vous puissiez soulager votre stress tout en ne dérangeant pas vos collègues de travail. Ça coûte 79$. Un seul désavantage, c'est que si ce vase devient... qu'est-ce que ça dit? En tout cas, si ce vase devient populaire, ça va être vraiment laid dans les bureaux. Moi, en tout cas, c'est ce que je dirais moi-même. Ces vases sont plutôt pas très esthétiques. Une caméra numérique qu'on peut jeter dans les airs et prendre des photos avec. Donc, ça pourrait être très amusant. C'est la Fleet Digital Camera qui est faite exprès pour prendre des photos après que vous l'ayez lancée dans les airs. Donc, la carcasse de la caméra a l'air d'avoir été inspirée par des balles de plastique pour les chiens, quelque chose du genre. Donc, le Fleet fonctionne par Bluetooth, transmettra les photos qu'elle prend directement à votre téléphone cellulaire. On ne connaît pas la grandeur exactement, mais on le voit à côté d'un téléphone cellulaire. Donc, ça a l'air assez petit, mais on connaît juste pas le modèle de cellulaire. Donc, ça pourrait être pas mal n'importe quoi. Ça serait fantastique pour prendre des photos, par exemple, de sport ou peut-être de je sais pas, de gens en train de faire du parachute, peut-être l'amener à la plage, l'utiliser comme ballon de volleyball, en tout cas. Donc, ça s'appelle le Fleet Digital Camera, je trouve ça vraiment génial. On a déjà parlé de ça, je crois, à la connexion, mais si je ne l'ai pas fait, mon erreur, parce que c'est vraiment cute, c'est des plastiques pour faire de la glace, bon, des trays, comment on appelle ça, des choses pour faire de la glace, en tout cas, en forme de morceaux de Tetris, des Tetris Minus. Génial! Tellement cool! Rien à dire de plus qu'aller voir la photo sur lunchance.com. Tetris Ice Cube Trays. Génial. Ah, sauf qu'il y a des blocs de 1 par 1. Sérieux. Des blocs de 1 par 1. C'est triché, ça. C'est pas le fun, les 1 par 1. Une montre qui ressemble à une chenille. Donc, ça, c'est vraiment cool. Une super belle montre. Donc, allez voir lunchance.com pour ça. J'en parlais pas trop longtemps. Pour passer au prochain, que ça, c'est vraiment, vraiment génial, OK? La plupart des gros musées et des galeries d'art aujourd'hui ont un certain genre d'appareil audio pour vous permettre, pour permettre aux visiteurs d'entendre un narrateur qui va leur raconter ce qui se passe autour d'eux. Bon. Une idée similaire a été implantée, à la Brühlsterrasse à Dresden en Allemagne, mais à la place de devoir porter des écouteurs ou n'importe quel genre d'appareil, un iPod, n'importe quoi, les visiteurs doivent simplement mettre leur coude sur un rail de métal et couvrir leurs oreilles avec leurs mains. Okay? Et là, en utilisant la Bone Conduction Technology, ou ce qu'ils appellent Touched Echo, le son des avions et des explosions qui sont simulés dans le rail. Dans le fond, ça s'est passé sur le 13 février en 1945. Là, ces sons-là, ils ont été enregistrés, passés dans le tuyau de métal. Et là, les bras des gens captent le son et ça va dans leur oreille. Hein? C'est absolument génial. Le son est complètement... impossible à entendre pour les gens autour, ceux qui ne touchent pas au rail. Et vu que c'est à l'extérieur tout ça, le système de conduction par les eaux est une solution parfaite parce que c'est complètement à l'épreuve de l'eau. Hein? N'est-ce pas génial ça? T'arrives devant le site, dans le fond, où ça s'est passé, et tu peux littéralement entendre ça comme si c'était en train de se passer en ce moment même. Moi, je trouve que c'est vraiment une très, très, très bonne idée. Donc, allez voir Touched Echo sur lunchance.com. Est-ce que vos collègues de travail boivent dans votre tasse de café? Question assez bizarre de Ogizmo.com. Mais bon. Les gens qui prennent votre tasse sans le savoir pour être aussi une meilleure raison d'utiliser cette tasse de café-là. Donc, vous la remplissez, vous la ramenez à votre bureau et vous barrez votre tasse de café. Oui, le lock cup avec un trou sur le côté pour boire. Donc, quand tu barres avec ta clé, le trou est caché. Donc, tu ne peux pas boire dans la tasse. Et quand tu tournes la clé, tu peux boire à nouveau. Génial, très très bonne idée de Lock Cop. C'est via Gear Fuse. Vous aimez certainement les bulles à péter dans les paquets que vous recevez par la poste. Les calendriers, par contre, sont des objets plutôt fatigants et plutôt ennuyants. Hein? Bon, ben pourquoi ne pas combiner les deux, rendre ça beaucoup plus intéressant. C'est un Bubble Calendar, qui est un calendrier géant fait de bubble wrap. Donc chaque jour est représenté par une bulle. Et au lieu de mettre un X sur les jours qui passent, vous pétez la bulle. Très bonne idée. Deux faiblesses, par contre, on ne peut pas vraiment marquer les dates importantes sur le calendrier parce que les numéros sont couverts de bulles de plastique. Hein? Il y a aussi le problème des petits-enfants qui pourraient venir et péter la moitié des bulles d'un coup sec. Mais au moins, c'est cher. Mais peut-être pas pour un calendrier moyen, là. C'est quand même assez cher. Sinon, c'est 30$, mais pas cher pour ce que c'est. Comme... En tout cas, c'est cool. Puis en plus, au-dessus des dates, il y a les dates importantes. Par exemple, bon, au-dessus du 5, ça va être marqué Cinco de Mayo. Et puis les jours de la fin de semaine sont écrits en gras. Donc, c'est cool. Ensuite, le dernier gadget pour cette semaine que moi je trouvais vraiment génial, c'est un support de poignet, parce que quand vous êtes à l'ordinateur, il faut un support à poignet, sinon ça peut faire mal déjà. Le syndrome du tunnel carpien, vous connaissez peut-être. Mais là, à la place d'avoir un genre de gelée bizarre, plate, là, c'est un croissant. Hein? C'est pas génial ça? Hein? Génial. Et apparemment, ça sent le pain aussi. Donc, 12 par 7.5 par 4.5 cm. C'est le Croissant Wrist Rest pour 6$ chez Toys Brando. Allez voir le lien sur lunchance.com. Me voilà conquis par ce super go, go, go, gadget go. C'est l'heure d'une critique Nintendo-y. Alexandre Thibodeau est avec moi comme chaque semaine pour parler d'un jeu qui est sorti sur la console de Nintendo, la Wii. Mm-hmm. Bonjour Alexandre. Bonjour Mathieu. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Aujourd'hui, écoute Mathieu, je me suis rendu compte depuis quelques semaines, je parle de beaucoup de jeux sur la Wii, mais j'ai fait une omission très grave. Je n'ai pas parlé plutôt du jeu qui vient avec la console Wii à la base. Donc le premier jeu que tout gamer sur la Wii va devoir affronter. Et je crois que tout le monde y a joué. Je pense que tu peux pas ne pas jouer quand tu l'as gratuitement avec la console. Ben exactement. Et ça, je pense que c'est quelque chose que, qui, à mon avis, est une grave omission. Donc aujourd'hui, je vais dédier ma chronique Nintendo Wii sur le jeu Wii Sports. Donc, comme je viens de le dire, c'est le jeu qui vient avec la console lorsque vous l'achetez. C'est un jeu qui vous donne un bon aperçu des possibilités de la Wii Remote, donc de la manette Wii et du Nunchuck, qui vous fait, dans le fond, découvrir le jeu à travers 5 sports. Le bowling, ou les quilles pour ceux qui sont plus francophones, la boxe, le golf, le baseball, ainsi que... Il y en a qui m'échappe. Comme ça. Le... Un cinquième sport. Ouais. Et voilà, on va l'appeler comme ça, cinquième sport. Donc, à travers ces jeux-là, vous allez pouvoir expérimenter la Wii. C'est un genre de tutoriel, si vous voulez, un genre de jeu qui va vous faire découvrir comment la console fonctionne. Donc, à ce niveau-là, c'est très bien parce que, étant donné que c'est une console qui fonctionne très différemment des autres consoles majeures comme la Xbox 360 ou le PlayStation 3, je trouve que c'est très important, tout d'abord, avant de penser à s'acheter un jeu, de tester, de l'essayer. Mm-hmm. Là, si on peut louer la console avant de l'acheter, de toute façon, présentement, c'est la on seule peut pas façon, l'acheter. Vraiment, oui. Je trouve que c'est un jeu qui est important à voir parce que ça va vraiment nous dire est-ce que j'aime la dynamique de jeu? Est-ce que j'aime comment la console fonctionne? Est-ce que t'es confortable là-dedans à bouger? Exact. Est-ce que t'as des bras? Probablement, ça pourrait être une question aussi ben, c'est à ça. Se demander. Avec Wii Sports, tu peux savoir, enfin, si t'as vraiment des bras attachés après ton corps. Ben, exactement. Parce qu'il y en a qui en ont pas puis ils savent pas. T'sais. C'est ça, tu te rends compte. Mon Dieu, j'ai pas de bras. Hein? Qu'est-ce que je fais? C'est ça. T'achètes pas là, oui. Hey, j'ai trouvé les 5 sports. Je vais te faire une petite parenthèse. Vas-y. Tennis, baseball, bowling, golf et boxe. Tennis. Bon, voilà, tennis. C'est oublié. Un des plus fun, soit dit en passant. Qui nécessite aussi des bras. Oui, exact. Donc, ces jeux-là vous permettent donc d'expérimenter avec tous les mouvements relatifs au sport. Par exemple, à la boxe, vous avez les deux manettes. Donc, le nunchuck à gauche et la Wii Remote à droite, dépendamment si c'est droitier ou gaucher. Et vous pouvez donc... Votre personnage va mimer les actions que vous faites. Donc, si vous maintenez vos deux manettes près de votre corps, devant votre figure, votre boxeur va être en position de garde. Si vous donnez un coup de poing de la main droite, votre boxeur va puncher de la main droite, etc. Donc, même des crochets, des uppercuts, si vous mimez l'action, le boxeur va également faire l'action demandée. C'est la même chose pour le golf, on a un élan de golf, etc. Donc, point de vue gameplay, au début, c'est le fun. Oui. Ça égaye une soirée entre amis. D'ailleurs, Mathieu, t'as pu expérimenter la Wii Sports chez moi dernièrement. Et c'est quand même plaisant, c'est ouais. Divertissant. Il y a 5 sports, donc il y a quand même 5 différentes possibilités. Tu te tannes, tu peux changer facilement de jeu. Exactement. Également, on peut créer sur la Wii. On peut se créer nous-mêmes, dans le fond, qui s'appelle un Mi. Donc, qui est un personnage à notre effigie. Et on peut justement prendre ce personnage-là et le jouer dans les différents sports. Donc, c'est aussi intéressant. D'ailleurs, on a passé des soirées à faire ça. C'est basic un peu quand même comme fonction. Ouais, t'as sûr. Pas des tonnes et des tonnes de choix. Mais quand même. Mais quand même. C'est quand même assez agréable. Voilà. Et justement, donc, c'est ce qui fait en sorte que ça rend, je dirais, le jeu Wii Sports un peu plus attrayant. Sauf que le gros point négatif de Wii Sports, c'est que c'est extrêmement de base. Oui, c'est ça. Il n'y a pas grande variété dans ce que tu fais. C'est très linéaire. Ah, oh, très, très linéaire. Tu apprends la façon de faire et puis tu commences à t'emmerder peut-être quelques heures à peine après avoir commencé. Gros maximum. Gros max. Ouais. Écoute, tu joues au golf, tu as un 9 trous. C'est tout ce que t'as. Tu joues 9 trous, il n'y a pas d'option de ligue, il n'y a pas d'option de compétition pour faire une saison de baseball. C'est extrêmement de base. On a pas de personne non plus. Donc, exact. Ben, il y a des possibilités sur Internet. OK, bon. Mais au-delà de ça, je dirais, c'est un jeu qui va te... Dans le fond, tu vas te tanner rapidement. Ouais, parce que c'est répétitif. C'est ça. Si les parents achètent ça à leur enfant sans acheter de jeux, de vrais jeux à part, là, les enfants vont être fâchés. Wii Sports, c'est ça. Eh bien, c'est effectivement... Non, Wii Sports est un rempli sa mission, c'est-à-dire de nous expliquer comment la console fonctionne. Mais tu sais, le Game Boy au départ venait avec Tetris. Ouais. C'est déjà une coche au-dessus. C'est Tetris. C'est, en tout cas, Tetris, tu t'annes rarement. Ben, Tetris, t'aimes ou t'aimes pas? C'est, oui. C'est, oui. Mais c'est même chose pour Wii Sports, dans le fond. Parce ouais, que c'est pas mais... tous les fans de jeux vidéo qui aiment nécessairement les sports. C'est très vrai. Ouais. Mais en même temps, je pense que Wii Sports, donc, comme je dis, ça remplit sa mission, mais c'est répétitif. Tu vas te tanner. Et lorsque tu vas acheter des vrais jeux, entre guillemets, sur la Wii, comme Galaxy, comme Zelda, comme Resident Evil, comme Super Mario Smash Galaxy. Brawl aussi. Donc, rapidement, Wii Sports, tu vas ramasser de la poussière dans tes étagères chez vous. Là. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que je peux pas dire que c'est un jeu de location ou d'achat parce qu'il vient avec la console. Ouais. Mais c'est un bon jeu si vous pensez vous acheter une Wii. Donc, présentement, les Wii devraient être disponibles d'ici 2012. Okay. Donc, si vous pensez vous acheter une Wii et vous voulez vous en louer une dans un club vidéo, c'est un jeu, il vient avec de toute façon, mais c'est un jeu que vous devriez porter un peu d'attention si ce n'est que pour comprendre le fonctionnement de la console. Tout à fait. C'est donc, un bon didacticiel comme ça. Exact. Moi, je donne un 7 sur 10 parce que oui, ça remplit sa mission, mais très rapidement, quand on va acheter d'autres jeux et quand d'autres jeux vont sortir, on va rapidement le remiser dans l'armoire de jeux. Donc, un 7 sur 10 est quand même, à mon avis, très honnête. Est-ce qu'on attend un Wii Sports 2? Je sais pas. J'espère un jour, que non. Fun. On en a un, c'est correct. La pêche, non? Oh mon Dieu, non. En tout cas. Mais juste, parenthèse pour terminer, excuse-moi Mathieu. Oui, vas-y. C'est également, il y a un kit d'extension de manette qui se vend au coût d'environ 20$. Donc, vous pouvez vraiment manipuler un bâton de golf, une raquette de tennis. Donc, j'ai pas essayé, mais si ça peut égayer l'expérience de jeu, tant mieux. S'ils peuvent servir à d'autres jeux que Wii Sports, ce serait le fun, mais sinon, dépensez pas 20$ pour jouer à Wii Sports. Exact. En tout cas. Exactement. Donc, Wii Sports est édité par Nintendo, développé par Nintendo dans le genre sport. C'est pour 4 joueurs, c'est coté 1 pour tous. C'est sorti le 19 novembre 2006. Selon 51 critiques, ça fait 76, donc c'était très proche. Oui, quand même. Sur 10. Quand même. Et selon 112 votes du public, ça donne une note de 90 sur 100. Donc voilà pour Wii Sports sur la Nintendo Wii, merci. Mais voilà, on savait pas qu'il allait avoir une suite de Wii Sports à ce moment-là, donc bravo à Nintendo. Avant de continuer ce spécial gadget et critique de jeux sur Wii, ici à la connexion émission de technologie, d'informatique et de jeux vidéo, on va passer aux jeux les plus loués dans les Super Clubs Vidéo 3 la semaine dernière. En cinquième, on parle de Madden NFL 09 sur Xbox 360. En quatrième, c'est Mario Kart Wii sur la Nintendo Wii. En troisième, Grand Theft Auto 4 sur la Xbox 360. En deuxième, c'est Soul Calibur 4 sur la PS3. Et en première place, c'est Soul Calibur 4 sur la Xbox 360. Donc, j'ai dit PlayStation 3 en deuxième et Xbox en première place. Plus tard, dans ce best-of de la connexion, il va y avoir d'autres gadgets. Il va aussi y avoir la critique de Resident Evil 4. Mais nous, on continue avec une autre pièce de la série. Heavy Troopa is ready to launch. C'est la troisième. C'est encore l'artiste N.U. Tak avec Heart Beating Faster. Il y a beaucoup de thèmes de Mario pareils là-dedans. C'est un petit peu répétitif, le deuxième CD à date. Et restez là. Hein?

du cadran. Les races sont bien connues des fans de Star Trek, soit bien sûr la Fédération, donc les Good Guys si on veut, les Klingons, les Romulanais, les Breen, les Cardassians et le Dominion. Donc des races qui apparaissent autant dans Next Generation que dans Deep Space Nine. Là, je parle à un fan vraiment incontesté de la série. Là, tu connais. J'aime bien Star Trek, j'aime bien Next Generation, j'aime bien Deep Space Nine. J'ai pas écouté la série originale, ni Voyager, ni Enterprise, mais j'aime bien le setting donc dans cette... dans cette période de temps-là de la série. Et maintenant, il porte l'habit en l'avant studio comme ça. Il y a le beau petit habit de Star Trek, non, c'est pas vrai. Et je me suis mis des petites oreilles pointues pour vénérer Spock. Non, et c'est d'ailleurs cet intérêt pour cette période-là, pour ces séries-là, qui m'a attiré vers Star Trek Conquest. C'est un jeu que j'ai acheté et que, bon, par curiosité, je voulais l'essayer. Essentiellement, le jeu, c'est un jeu de stratégie, jeu tactique. Vous choisissez une des 6 races jouables et vous êtes sur un échiquier galactique et vous devez donc construire des bases, construire des flottes, envahir des territoires, bref, dominer au complet ce secteur-là de l'univers où est-ce que les 6 races se luttent pour la suprématie. Ce que j'ai aimé du jeu, premièrement des choses, ben, en tant que fan de Star Trek, il y a beaucoup de clins d'œil, beaucoup de noms qui reviennent. On utilise beaucoup, beaucoup l'histoire avancée dans les séries et dans les films pour construire la trame narrative du jeu, ce qui est vraiment intéressant parce que moi, je me reconnaissais, je reconnaissais les personnages, je reconnaissais les planètes, les systèmes, et en plus, à chaque fois qu'on envahit un territoire, il y a un petit peu d'histoire sur le secteur qu'on envahit, et c'est puisé donc du folklore de Star Trek, ce qui est vraiment intéressant. Et il n'y a rien d'inventé, c'est vraiment tout le temps rattaché à la série. Les fans vont, voir que c'est fait par la même gang qui a fait la série quasiment. Effectivement, c'est fait. On voit vraiment qu'ils ont puisé les informations, les noms. On a dans le fond, chaque race a 3 amiraux. Et ces amiraux-là, ce sont des personnages de la série qu'on a croisés à un moment ou à un autre. Même si c'est des petits personnages qu'on voit un ou deux épisodes, on peut les reconnaître. Okay, donc, c'est une série qui est quand même assez... qui a beaucoup de choses pour les fans, beaucoup de choses à reconnaître pour eux, beaucoup de petits bonbons qu'ils vont avoir à travers le jeu. Exactement. Mais tout jeu de Star Trek qui se respecte va puiser dans le folklore de la série, donc c'est rien de nouveau à ce niveau-là. Ils n'ont pas le choix de le faire parce que sinon les fans vont vraiment chialer s'il y a des détails qui ne sont pas vrais. Totalement. Les autres points positifs, ben, les graphiques sont quand même bien faits. On a la possibilité, lorsqu'on fait des combats, lorsqu'on envahit un territoire où on se fait envahir, de simuler les batailles ou de les jouer version arcade. Et c'est quand même bien fait. C'est quand même assez intéressant. On a une petite flotte d'environ 8 vaisseaux et on peut les contrôler à tour de rôle. On peut changer durant la bataille de vaisseaux. On peut donc utiliser les mêmes tactiques qu'on peut voir dans les séries. Et ça, c'est le fun. Donc, pour tout fan de combat de vaisseaux galactiques, ça va être intéressant. Également, il y a possibilité aussi de construire des bases, de choisir des recherches technologiques afin d'upgrader les vaisseaux. Bref, il y a des possibilités intéressantes. Mais c'est là que s'arrête le plaisir. Oh. Parce que dans ce jeu-là, c'est extrêmement linéaire, c'est très répétitif et il y a peu de choses qui changent d'une race à l'autre. Donc, que l'on joue des Klingons ou de la Fédération, on a quand même droit à seulement 3 types génériques de vaisseaux. Des vaisseaux d'exploration, donc des scout ships, des vaisseaux cruiser et des dreadnoughts, donc des gros véhicules, les gros vaisseaux un petit peu comme l'Enterprise dans la série Star Trek The Next Generation. Donc, on ressent pas une variété précise. Chaque race a ses petites différences, mais ce sont pas des choses qui sont dramatiques dans le jeu. C'est pas quelque chose qui va changer le jeu. Et lorsqu'on joue la Fédération ou les Klingons, ben, il y a peu de changements d'une race à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a extrêmement déçu. De plus, écoutez, après 1 heure ou 2 heures, on a compris le système de combat. Et ça varie très peu. Donc le jeu est extrêmement répétitif, n'a pas une très grande valeur de rejouabilité. Et en plus, ça c'est mon petit péché véniel si on veut, on n'utilise pas la manette Wii, la Wii Remote et le Nunchuck à sa pleine capacité. Et ça, je trouve ça très très très dommage. Parce qu'on a une manette qui est unique en son genre et on peut penser que chaque jeu devrait essayer de tirer le maximum de cette manette-là. Ouais. Mais c'est pas le cas. On a vraiment la manette gauche, le Nunchuck. Outre que le joystick, on n'a pratiquement pas d'utilité. Et la Wii Remote, ben, on tire des torpilles, on tire des lasers, ça finit là. C'est comme avoir pris une manette de PlayStation 2, l'avoir coupée en deux, dans le fond. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu déçu. Donc, pour ça, je trouve que le jeu peut être intéressant, mais je le conseille surtout aux fans de la série. Et encore là, écoutez, le jeu en tant que tel, pour une personne qui ne connaît pas Star Trek ou qui n'en a rien à foutre absolument de Star Trek, va être déçu et ne sera pas intéressé, va trouver le temps long. La seule chose qui joue en sa faveur, c'est son prix quand même. Combien? Environ une trentaine de dollars neuf. Donc, c'est un jeu qui n'est pas dispendieux si on compare, par exemple, à Zelda, qui est environ une soixantaine de dollars, Mario Galaxy, c'est environ 50 dollars. Mm-hmm. Donc, c'est un jeu qui ne coûte pas très cher, mais on n'en a pas beaucoup pour notre argent, nécessairement. Il n'a pas dû coûter cher à fabriquer, non. Exactement, plus. Exactement, oui. On voit que c'est pas un Zelda où est-ce que chaque détail est travaillé, c'est une histoire longue. C'est très, très simple. On a le gabarit, on a le template de jeu, tu t'amuses là-dedans, puis c'est tout. Là. Donc, on s'est contenté de faire un jeu assez simple, merci, qui va, je dirais, plaire à une base de fans assez grande quand même à travers le monde de Star Trek. Mais c'est tout. Donc, c'est ma dernière petite recommandation. Ce n'est pas un jeu que je vous suggère d'acheter, à moins vraiment que vous soyez un fan de Star Trek. Sinon, je vous conseille en location et encore. Si vous êtes un fan seulement. C'est ça. Si vous êtes un fan d'une bonne location, vous faites le tour. Et là, à ce moment-là, si vraiment vous voulez... vous voulez rejouer peut-être que l'achat alors que le jeu n'est pas très très dispendieux. Mais à mon humble avis, c'est une location seulement. Ma cote sur 10 vaisseaux, oui. Je vais en mettre 6 vaisseaux sur 10 bon. Pour Star Trek Conquest. C'est pas beaucoup. Et ça, c'est en partie à cause de mon biais léger vers Star Trek. Sinon, ça c'est serait dans le 5... Entre 5 et 6 sur 10, je pense que c'est une cote qui est assez appropriée pour Star Trek Conquest. Tu vois, tu t'approches des cotes de Metacritic, mais avant, voici un petit résumé de la fin de Star Trek Conquest. Oui. C'est édité par Bethesda Softworks, développé par 4J Studios. Dans le genre action-stratégie pour un seul joueur, c'est coté E pour tous. C'est sorti le 20 novembre 2007, selon 13 critiques reconnues partout dans le monde. La moyenne est de 5.1. Sur 10, pas beaucoup. Et sur 8 votes de la communauté, peut-être pas assez pour se faire une bonne idée, mais 4.5 sur 10, donc ta note de 6 tourne autour de ça. Un petit peu généreux, mais c'est ma note de fan. Donc, sinon, un 5, je pense que ça se rapproche vraiment des critiques à ce point-là. C'est Star Trek Conquest sur la Nintendo Wii. La semaine prochaine, Alexandre? Ouais, Resident Evil 4, un jeu fort intéressant. Toujours dans la lignée de Resident Evil, donc toujours aussi épeurant et rempli de réalisme zombiesque. Alexandre Thibodeau, merci. Merci beaucoup, Mathieu. Voilà donc l'épisode d'un spécial GoGo Gadget et critique de jeux Nintendo Wii, c'est à la collection. La prochaine critique, ça va être celle de Legend of Zelda, Twilight Princess Wii. Oui, c'est vrai. Il va y avoir aussi une autre chronique GoGo Gadget dans quelques secondes à peine. Mais avant, voici le top des jeux les plus trichés sur GameFAQs.com. En cinquième, on retrouve Metal Gear Solid 4 sur PS3. En quatrième, c'est Final Fantasy 4 sur DS. En troisième, Soul Calibur 4 sur PS3. En deuxième, c'est Super Smash Bros. Brawl sur la Nintendo Wii. Et en première place des jeux les plus trichés selon GameFAQs.com, c'est Soul Calibur 4 sur Xbox 360. On va continuer notre série Heavy Troopa is Ready to Launch, qui est un hommage à Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, un album remix fait par des gens de la communauté, des fans du jeu qui voulaient rendre hommage à ce chef-d'œuvre. La prochaine pièce est par l'artiste God Owes Me Money. Voici la pièce Sleepy à la connexion au 89.1 FM, et allez voir le unechance.com pour les liens de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Il y a beaucoup de contenu, hein? C'est pas mal. Tight. C'est tight, pas mal. We'll be right back. Go, go, Gadget! Go, go, Gadget, ta mère! Yahoo! Gadget, ton chapeau! Go, go, Gadget, ton poing! Qui c'est? Élastique au Gadget! Donc, les gadgets qui m'ont intéressé sur plusieurs sites Internet cette semaine. On commence avec un vidéo qui enregistre audio avec un stylo. Oui, disons les choses en ordre, qui enregistre audio et vidéo. Donc, ça a l'air d'être pas mal plus gros qu'un stylo normal, mais vous pourriez quand même être assez discret et enregistrer avec soit 2 gigs ou 4 gigs de mémoire flash, jusqu'à 30 heures d'audio et de vidéo, ça, c'est avec le modèle 4 gigs, évidemment. La résolution est quand même pas si pire, 352 par 288 pixels, mais c'est un crayon pour espionner, c'est pas de la CIA ou rien, donc c'est normal que la résolution soit pas si bonne que ça. Mais l'idée est très très bonne, ça met ça... en connexion USB 2.0, donc vous pouvez transférer vos vidéos sur votre PC et charger la batterie interne aussi. Environ, la batterie dure à peu près 2 heures, donc même s'il y a 30 heures de vidéo à enregistrer, vous allez devoir tout le temps transférer parce que ça va prendre 2 heures de batterie. Enfin bon. Donc le modèle 2GB coûte 199,95$, le modèle 4GB est 250$. Les deux sont disponibles sur brickhousesecurity.com. Les liens sont toujours sur le unechance.com. Une clé USB maintenant qui va faire que votre ordinateur va sentir meilleur. Hein? Des gadgets USB inutiles, il y en a beaucoup, mais celui-là n'est pas si pire quand même. Donc, si vous voulez que votre espace de travail sorte un petit peu meilleur, mieux, donnez aux gens que vous trouvez qui puent cette clé USB qui est produite par un manufacturier de Hong Kong. C'est The Bure. Ça coûte environ 20$. C'est sur... ça s'appelle le Sand Drive. C'est via Crave. Des beaux tuyaux colorés pour votre sous-sol. Si vous habitez chez vos parents ou si vous habitez dans un sous-sol, quelque chose du genre, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Dépensez votre peu d'argent sur ces beaux tuyaux luminescents. Très joli. Allez voir lunchance.com. Il n'y a rien à dire de plus. Ensuite, un parapluie qui ne se brise pas. Impossible à briser. C'est aussi fort qu'un tuyau de n'importe quel matériau. Ça coûte 180$. Hein? Faudrait peut-être pas le perdre. Hein? Donc, allez voir la vidéo d'un gars qui est en train de se tenir debout sur son parapluie. Intéressant quand même. Des patins à roulettes. Très, très jolis. Très jolis. Ça fait rétro un peu. En même temps, c'est futuriste. 425$ pour une paire. En ce moment, ils sont tous vendus. Mais vous pouvez les acheter. Vous pouvez placer une commande quand même. Donc voilà, allez-y sur lunchance.com. Allez voir la photo. Très, très beau. Je vais sauter par-dessus quelques affaires. Un bicycle, mais à la place, c'est un bicycle. C'est un vélo pour deux personnes, mais qui vous êtes de dos à la place d'être comme sur un vélo normal à deux personnes. Donc voilà, allez voir My Atomic Mass. Le lien est sur lunchance.com. On peut habiller son chien avec des vêtements griffés à la mode, dit Brochez-vous Gadget. On peut le nourrir de pâté à 100$ le couvert. On peut même, si on le tient vraiment, le faire enterrer dans un cercueil de luxe. Stanley Corin, un expert en comportement canin et professeur à l'Université de la Colombie-Britannique, vient de concevoir le Doggy IQ Test, un ensemble de 12 épreuves qui vous permettront de mesurer l'efficacité du cerveau de Rex dans le confort de votre foyer. Mémoire, temps d'attention, capacité d'apprentissage, résolution de problèmes, le test mesure tout de votre toutou. L'ensemble comprend un cahier d'exercice et un chronomètre. Les antidépresseurs dont vous aurez besoin si votre chien se révèle plus brillant que vous ne sont pas inclus. Ça coûte environ 10$ chez iwantoneofthose.com. Prochain, pourquoi pas. Ah oui, des lunettes 3D et un cahier pour écrire en 3D. L'idée est très très bonne. Vous mettez les lunettes et vous dessinez littéralement. Vous pouvez voir vos photos prendre vie. Si vous dessinez des affaires obscènes, c'est votre problème. La page du produit est sur lunchance.com. Ça coûte 4$ seulement. L'idée est vraiment très bonne. Et voilà. Le reste sera sur lunchance.com. Il y a entre autres un clavier fait de cuir et un gadget pour faire des boules de crème glacée qui ne couleront pas sur les côtés. Allez voir lunchance.com pour tout ça. C'est l'heure de parler de Nintendo. Oui! Critique Nintendo Wii cette semaine avec Alexandre Thibaudeau qui nous parle de Twilight Princess. Bonjour. Bonjour Mathieu, ça va bien? Ça va très bien, toi? Très bien, merci. Oui, Twilight Princess Zelda qui est un excellent jeu disponible sur la Wii, sorti simultané ou quasi simultané sur le GameCube également, le 11 décembre 2006 sur la GameCube, le 19 décembre 2006 sur la Wii. Rapidement, l'histoire, on retrouve le personnage fétiche de Link. Donc, on a également dans tous les autres Zelda, dans les différentes consoles Nintendo au fil des âges, qui cette fois-ci est un petit paysan, donc, qui aspire peut-être à devenir maire de son petit village de Toll, et rencontre donc une créature mystérieuse lorsqu'il doit aller porter un présent au château d'Hyrule, donc le château de la Terre, qui, à sa grande surprise, est recouvert par les ténèbres. Ouh. Il va rencontrer la princesse Zelda, la princesse du crépuscule, donc d'où le titre Twilight Princess, et qui va lui dire que lentement mais sûrement, Zand, le méchant roi des ombres, veut régner sur la terre d'Hyrule et transformer tous les êtres de lumière en êtres, en créatures du crépuscule. Est-ce que t'écoutes Franck contre Gérard ou quoi? Absolument. Tu parles comme Gérard? Tu... En tout cas. Eh oui, hélas, peut-être. Mais non, donc effectivement, c'est le but du jeu. Donc Link va devoir, avec l'aide de plusieurs alliés, combattre les forces du crépuscule et bien sûr combattre le méchant Zan pour restaurer la paix sur les terres d'Hyrule. Rapidement, c'est un jeu, donc les points forts, ce que j'ai aimé du jeu, les graphiques sont excellents. Bien sûr, on parle pas du niveau Xbox 360, mm-hmm. PlayStation 3. On s'attend pas à ça de leur part. On s'attend pas à ça. Dans ma critique la semaine dernière de Mario Galaxy, j'ai fait le même commentaire. Moi, je suis capable de passer par-dessus les graphiques pour un jeu. Oui. Je suis pas une personne qui va... Oui, dans Assassin's Creed, dans Halo 3, c'est évident que je bave sur les graphiques comme n'importe quel gamer qui se respecte. Mais en même temps, je sais reconnaître aussi que quand je m'installe avec ma Wii, c'est pas pour triper sur les graphiques, c'est pour apprécier le jeu, apprécier l'immersion avec les manettes, donc savoir le gameplay, j'adore. Dans Zelda, c'est la même chose, même si les graphiques sont, à mon avis, supérieurs à ceux de Galaxy. C'est beaucoup moins cartoon comme fini que Mario Galaxy, donc c'est beaucoup plus réel, de très bons graphiques. L'histoire est excellente, elle est vraiment enlevante, on a plusieurs rebondissements et on découvre l'histoire petit peu à petit peu sans savoir exactement où est-ce qu'on s'en va. Et c'est ce que j'aime dans un jeu de style RPG. Je veux pas qu'on me donne l'histoire tout cru dans le bec. Je veux pas non plus, je dirais, voir venir les punchs chemin à l'avance. Ouais. Je veux découvrir l'histoire en même temps que le personnage. Et c'est ce que Zelda nous permet de faire. Également, on rencontre un petit personnage qui s'appelle Midna, ou Miranor, je pense en français, j'ai pas le nom, je sais que les noms sont pas pareils en anglais en français, là. Et Midna, dans le fond, c'est un aide du crépuscule qui va aider Link dans sa quête, moyennant des petits services qu'on va lui rendre, bien sûr, et il nous transforme. Donc lorsqu'on pénètre dans le crépuscule, on se transforme en loup. Donc ça change le gameplay du tout au tout, parce qu'on n'a pas les mêmes mouvements, les mêmes combinaisons, et c'est un gameplay complètement différent avec donc différentes façons de réussir les quêtes, d'abattre les ennemis. Et c'est ce qui est vraiment intéressant. On se tanne pas de ce jeu-là. Mm-hmm. T'avais pas joué au GameCube, toi? Non, j'ai pas joué au GameCube. Donc, tu peux nous dire la différence entre la version GameCube? Non, malheureusement pas. C'est sûr qu'avec la manette Wii, il y a plusieurs modifications. Et je pense qu'une très belle immersion du système Wii, la manette nous permet de faire plusieurs mouvements différents avec l'épée. Mm-hmm. Donc, plusieurs coups différents, plusieurs façons de se déplacer également. Donc, à ce point-là, je trouve ça bien. Parce qu'on utilise bien les développements de la Wii. Comparativement au GameCube, par exemple. Est-ce que la version française est bonne? Tu me disais que les noms en français n'étaient pas pareils, donc c'est traduit, c'est effectivement. Doublé, c'est encore un peu, si on se rapporte un petit peu à ce que j'ai sur Mario Galaxy, oui, on a encore une traduction un peu québécoise qui pourrait... Mais c'est moins pire, là. Ouais. Mais quand même, oui, certaines personnes, ça va leur taper sur les nerfs, et je comprends ça à 100%. Lorsqu'on achète un jeu, on demande au moins un minimum de qualité de langue, j'imagine. Et oui, effectivement, il y a encore quelques petites largesses, mais beaucoup moindres que dans Mario Galaxy, à mon avis. Ce que j'ai moins aimé du jeu, par contre, et ça, c'est un goût personnel, purement personnel, j'aime ça dans un RPG, interagir avec l'environnement au complet. Et dans Zelda, il y a des limitations. C'est-à-dire, il n'y a pas d'option pour sauter. Il n'y a pas d'option pour faire certains mouvements. C'est-à-dire que avec le moteur, lorsqu'on peut faire le mouvement, il va le faire tout seul. Ça ramène un peu aux précédentes versions. Exactement. Sur Super Nintendo, tu ne pouvais pas sauter, je me rappelle bien. Exactement. Et c'est quelque chose qui, chez moi, m'agresse un petit peu dans Zelda. C'est justement, on a une petite colline, je ne peux pas essayer de la sauter par-dessus. Ouais. OK? Si j'ai à sauter, j'ai à avancer et le personnage va sauter de lui-même. Ouais. Donc, ça limite un petit peu et je dirais, ça empêche à certains endroits, je dirais, d'explorer à fond les différents puzzles ouais. qui nous sont lancés. Il n'y a pas de raison de t'enlever l'option de le faire non plus. C'est juste que ça serait beaucoup plus simple pour tout le monde de la mettre. L'option, c'est, ça changerait absolument rien au jeu. Exactement. C'est juste plus le fun. C'est mon avis. C'est ouais. mon avis personnel. Et juste aussi, en terminant, pour les côtés positifs que j'avais oubliés, bien sûr, les puzzles, j'en ai déjà parlé un petit peu, sont vraiment fantastiques. Les donjons sont très bien faits. Il faut être alerte. Il faut être attentif, il faut être réveillé. Et en plus, ce qui est intéressant, on a le personnage de Midna, donc notre allié créature des ténèbres, qui est disponible donc avec un seul clic sur la flèche supérieure pour nous donner un petit indice pour nous aider dans notre quête. Donc ça, j'ai trouvé ça bien quand même parce qu'il y en a beaucoup de puzzles qui sont pas évidents. Donc, ce qui me picosse un petit peu plus avec Zelda, les limitations, également, les angles de caméra parfois nous permettent difficilement de réaliser la manœuvre effectuée. Donc ça, c'est les deux petits bémols que je trouve au jeu. Sinon, c'est un must pour tout fan de Zelda, tout fan de Wii. C'est un des meilleurs jeux disponibles actuellement. Un petit peu dispendieux, par exemple, comparativement aux jeux de la Wii. Mm-hmm. Il se vend environ à 60$, dépendant où vous allez le trouver. C'est quand même dispendieux comparativement à la moyenne des jeux de Wii. Mais c'est un titre excellent que je vous suggère. C'est un titre à acheter parce que c'est une bonne aventure. C'est un jeu très divertissant, très bien fait. Ça a l'air excessivement bon comme oui. jeu. Oh, oui, oui. Note finale sur... allons-y plus simple que la semaine dernière. Sur 10, disons 10, qu'est-ce qu'on pourrait donner? 10 salopettes, 10 chapeaux. 10 bonnets verts. Bonnets verts. Disons, je mets 9.2 bonnets verts sur 10. Ah, c'est beau. T'es proche de la critique. Ah oui? On va révéler la note bientôt. Donc, Legend of Zelda Twilight Princess, c'est édité par Nintendo, développé par Nintendo. C'est en action à la troisième personne, un jeu d'aventure pour un seul joueur. C'est côté adolescent. Selon le SRB, c'est sorti le 19 novembre 2006 sur la Wii. La note basée sur 73 critiques reconnues, ça donne 95, 9.5. Ah, intéressant. Très proche de toi. Je suis un peu plus sévère, par exemple. Plus sévère. Et tu es plus proche du public avec 587 votes. La note est de 9.3. Ah! Hein? Mon Dieu. Quel génie, quel dieu de la critique de jeux vidéo. J'aspire à ça. Alexandre Thibodeau, merci beaucoup. Plaisir, Mathieu. Une autre bonne critique est d'Alex Thibodeau ici dans le spécial GoGo Gadget et critique de jeux Best of de la connexion. Avant de continuer avec une autre partie de notre série en concert qui s'appelle Heavy Trooper is Ready to Launch, voici les jeux et les consoles les plus vendus au Japon la semaine dernière. Du côté des consoles, en cinquième, on retrouve la PS2, en quatrième, la PS3, en troisième, la Nintendo DS, en deuxième, la Nintendo Wii et en première place, c'est la PSP avec 72 000 ventes. Du côté des jeux au Japon, en cinquième place, c'est Monster Hunter Portable Second G sur PSP. En quatrième, Wii Fit sur la Nintendo Wii. En troisième, Mario Kart Wii. En deuxième, Super Robot Tyson OG Saga sur la DS. Et en première place, c'est un jeu de PSP. C'est Powerful Pro Baseball Portable 3. Donc, vous êtes dans le spécial GoGo Gadget et critique de jeu. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe les meilleurs moments de la connexion pour la session d'été. La prochaine critique d'Alex Thibodeau va être celle d'un jeu qu'on appelle Super Mario Galaxy, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. On va aussi avoir la suite des gadgets plus tard, mais avant, voici la sixième partie du deuxième CD de l'hommage à Mario RPG qui s'appelle Heavy Troopa is Ready to Launch. Voici Matthias Menente avec The Starlight Flower à la connexion. On parle technologie informatique et jeux vidéo à CFOU89.fr.

dans un coin, ça prend moins de place et c'est plus fun de pouvoir brancher plusieurs gros blocs parce que vous savez, dans une power bar, normalement, il n'y a pas assez de place. Donc, il n'y a pas encore de prix pour l'instant, mais ça s'en vient. Revolve Vertical Power Strip. Le Ring Shot de Shira Neon. Quand vous étiez enfant, vous faisiez des slingshots avec vos doigts, avec un élastique pour lancer sur des gens. Maintenant, c'est un genre d'affaire de métal ou d'aluminium qui se met sur vos deux doigts, sur le pouce et l'index, et qui vous permet de plus facilement faire un slingshot avec. Génial à acheter. Encore pas beaucoup de détails. En fait, on ne sait pas si c'est disponible même. Mais c'est le Ring Shot, sûrement un concept ou un prototype. Si vous n'en avez pas assez encore de vos boissons énergétiques ou énergiques et de vos Pepsi Max Diet ou peu importe, maintenant, il y a des frites, des chips à la caféine, les Ngobi Energy Go Bites à la cannelle et au citron, infusion de caféine à l'intérieur, 1,5 once par sac. 1,29$ par sac Ngobi. Allez voir leur site web, c'est ngobi.com. Sûrement qu'on va voir ça au Canada bientôt. Votre sac d'ordinateur n'est pas assez geek pour vous. Voici le sac écrit My Documents. Pareil comme dans Windows, version très très électronique, techno geek, dessiné comme une icône de Windows avec les petites lettres avec des points. Là. Donc très très joli. Évidemment, ça montre aux gens que vous avez un portable dedans. C'est un petit peu dangereux, mais je trouve ça très très joli. Moi, j'aimerais bien en avoir un My Documents. Voilà, c'est sur le site de 25 Togo. Sur le unechance.com, le lien est là. Comme toujours, un sac à dos de néoprène qui colle sur votre corps. Au lieu d'avoir un gros sac à dos, là, tu sais, vraiment gros. À la place, c'est contre votre corps, c'est fait en néoprène. C'est tout à fait serré et tout ce qu'on peut mettre dedans, c'est un laptop et peut-être quelques gadgets dans les épaules ou quelque chose du genre, mais il n'y a pas beaucoup de place. Ça coûte 80$ en trois couleurs, en deux formats. C'est génial sur le site de Built NY. Vous êtes pas assez. Encore pas assez geek, vous devez le montrer encore plus. Vous savez, les gens qui transportent leur ordinateur avec un sac, une valise qui se traîne à l'arrière avec une poignée, tu sais, ça se traîne. Bon, maintenant, il y a ça en poussette. Donc, traînez votre enfant comme vous traînez votre valise pour seulement 30$ le tote tot. Une autre bonne chronique GoGo Gadget. Maintenant, voici les nouveautés en magasin cette semaine. Tel que promis, donc quelques gros titres, mais pas tant que ça. Sur DS, on retrouve Touch Darts de Crave. Sur PC, Call of Duty 4 Game of the Year Edition de Activision. Ensuite, Two Worlds Epic Edition et finalement Murder in the Abbey de Dreamcatcher. Sur la Wii, on trouve Freddy Fish Kelp Seed Mystery et Pajama Sam Don't Fear the Dark de Majesco. Et une autre nouvelle sortie sur Wii, c'est Tiger Woods PGA Tour 09 All Play de Electronic Arts. Dernière console, c'est la Xbox 360 avec Two Human de Microsoft et Smash Court Tennis 3 de Atari. On est presque arrivé à la fin de notre spécial GoGo Gadget / critique Nintendo Wii / meilleur moment de la connexion. On va aller entendre tout de suite la prochaine partie de notre série en concert, Heavy Troopa is Ready to Launch. C'est la 7e pièce du 2e CD de cet hommage à Super Mario RPG. Tout de suite, voici Girls Melon et Here's Some Weapons. Puis on revient avec la conclusion de la connexion. 89.fm. Girls, Melon avec Here's Some Weapons de la collection Heavy Troopa is Ready to Launch, deuxième disque. La collection a trois disques, vous pouvez les télécharger en passant par le lien sur le www.chance.com. Vous pouvez aussi imprimer votre pochette, faire votre propre CD, c'est très très bon. Donc c'est la fin de cette édition spéciale de la collection sur les gadgets et les critiques de jeux sur Nintendo Wii. On a fait 7 de chaque et vous pouvez retrouver tous les liens directement sur le site ou une chance.com. Il va aussi y avoir la balado-diffusion en MP3 comme à chaque semaine. On se retrouve pour une autre édition de La Connexion la semaine prochaine, mardi à 11h, on rappelle, jeudi à 11h et lundi à 10h. Je vous retrouve aussi dans le poste d'écoute et dans les palmarès C'est fou. On se quitte avec une dernière pièce de Heavy Troupa. C'est la 8e du 2e CD. C'est Tech Fool avec Sunken Ship. Et jusqu'à la semaine prochaine, ben bonne semaine et bonne chance. Bye bye. Dash dot dash dot dash dot com.